Bonsoir tout le monde, bienvenue, très content d'être ici. Mon nom est Tommy Godette, animateur et idéaste principal derrière l'émission que vous écoutez présentement, ce fier 70% qui revient sur les ondes pour une, en fait c'est la quatrième fois qu'on fait ça au FME, toujours flanqué de mon fidèle comparse Bruno Corbin. Salut Bruno. Bonsoir Tommy. Bonsoir. On commence à se scorer une espèce de core de base de 70% au FME. Oui, j'avoue, hein, je pense qu'on a une équipe qui revient. On peut noter tout d'abord l'excellent Guylain, a.k.a. Gluin. Allô. Comment ça se passe, man? Tu vas nous reparler encore, on a quatre shows à meubler, tu vas faire partie de l'équipe pour faire que les heures vont passer de la plus belle façon possible. T'as-tu un projet? Pas encore, on m'a trouvé de quoi. C'est bon, ils vendent du Magic au Windsor. Hein? Sinon, ben, vous reconnaissez peut-être la personne qui va parler présentement, Jean-Patrick Bertium. Salut Jean-Patrick. Salut. Toi, tu restes dans le domaine politique un petit peu. Bien entendu, j'ai une suite à l'année dernière. Et voilà, ben ça a bien de l'allure. D'ailleurs, on salue les extraterrestres qui suivent le show une fois par année. C'est des gens qui sont très précieux, c'est une autre histoire qu'on peut pas gagner nulle part ailleurs. Sinon, ben, je suis flanqué aussi par Élise Laflamme. Ça va Élise? Super. Super, toi aussi, c'est pas ta première fois au FME. Donc, c'est ma troisième, dont la deuxième à la radio. Et voilà, ça va quand même bien. Oh, super. Est-ce que Sandon en dessous de tes bras, c'est... OK, ouais. Bon, c'est bon. Tu tiens bien. Et bien entendu, mon cousin Martin Godette. Salut, Martin. Salut, Tommy. En fait, toi, tu fais un petit peu partie de la volonté de ce premier show de 70% au FME pour 2016. Dans le fond, c'est un petit peu 70% rencontre Rouyn-Noranda. On va avoir aussi plus tard dans l'émission Pascal Gélinas, qui est le candidat du Parti Rhinocéros. Et tu nous as promis un Franck Paquette. Oui. Et voilà. Donc, c'est toutes des affaires qui vont exister. On a très hâte. Sinon, ben, vous avez écouté Ghetto Érudit juste avant avec les chums de Anzueto, les deux frères, des sacrés capotés. Ils ont eu une performance live et maintenant, c'est notre tour. Et c'est pour ça que, en fait, s'il y a un préambule ici, c'est que la toune qui s'en vient, c'est une bulle qu'on est en train de vivre dans ce voyage-là. Vous savez comment ça marche. En revenant, on va parler du parc et de toutes les dimensions spirituelles et métaphysiques qui peuvent entourer la parquitude et le concept même du parc. Et donc, avec plaisir et pour votre plus grand déplaisir, s'il vous plaît, tout le monde ensemble, on va écouter l'excellent Jean-Luc Lahaye et Papa Chanteur, la version live. Oh, yeah. Jauger les émotions, à quel point c'est important. Sinon, ben, vous êtes à 70% pour 4 fois une heure dans 4 journées différentes. On est bien content d'être là. Très bon FMA à tout le monde. Venez nous rejoindre live ici. En attendant, tout bas. Papa Chanteur. Papa Chanteur, Jean-Luc Lahaye. Papa Chanteur, maman de soeur, papa. Papa bébé bonheur, la vie vient de faire une fleur à papa chanteur. Tu t'invites chez moi, sans en être prié, mais tout au fond de moi, c'est toi que j'attendais. On se serre un peu plus, tu tiens tellement de place. Et depuis ta venue, je me regarde en face, faire mon premier pas, faire mon premier geste. Et l'enfant que je vois m'a pris tout l'amour qui me reste. Papa chanteur, maman douceur, pleure pas bébé bonheur. La vie vient de faire une fleur à papa chanteur. Maman douceur, c'est par toi que j'aurai mes plus beaux souvenirs. Je n'ai pas de passé, tu es mon avenir. J'ai grandi sans savoir ce qu'était la tendresse, la douceur d'un regard et la main qui caresse. Toi tu es ma chair, de mon sang, de mes larmes et de toutes les guerres que j'ai gagnées pour toi sans armes. Pleure pas bébé bonheur. La vie vient de faire une fleur à papa chanteur. papa chanteur, maman douceur, pleure pas. Ils sont venus à papa chanteur. Plus tard, je te dirai, quand tu auras grandi, mes espoirs, mes regrets, d'où je viens, qui je suis. Pour toi, j'inventerai un monde imaginaire. Celui qui m'a manqué, moi, je n'avais pas de père, je n'avais qu'un prénom. C'est trop peu pour un homme, je me suis fait un nom, et ce nom-là, je te l'étonne. Papa chanteur, maman douceur, Savresti, il était fatigué ton jingle, mon Bruno. Hey, ça en fait, peut-être avant de se lancer dans ta chronique, Bruno, papa oui. Chanteur, ce qu'on vient de subir, tout le monde ensemble. Hier, on est allé marcher au On est allé marcher au parc des Gebelles hier et quelque part au bout du lac Lahaye, ben ça m'est revenu. Ça a été vraiment une toune au goût du jour au mois, tout le mois d'avril au Musée de l'Absurde. Et voilà, je l'ai chanté. Bruno ne l'avait jamais entendu. Et hier, on a crevé l'abcès à une très belle soirée, loadée de godettes d'un bout à l'autre. Mais il n'y avait pas de filles à cette soirée-là, Bruno. Non, pas vraiment. Et toi, tu es en Abitibi. Oui, ah oui, excuse, oui, effectivement. Ben écoute, je me suis dit que pour être original, je referais exactement la même chronique que l'an dernier au FME parce que ça avait tellement bien marché. Oui, puis on avait un beau jingle. En plus, qui malheureusement... c'est ça. Je pense que c'est le transport de la table tournante qui n'a pas aidé. Là. Mais donc là, je me suis mis sur Tinder, idéalement pour que ça pogne, tu sais. Parce que le but, c'est de ne pas être obligé de dormir à la place que j'étais supposé de dormir à tous les soirs. Effectivement. Jusqu'à date, ça fait 2 ans en ligne que je fais ça. Puis ça m'est pas encore arrivé. Et c'est pour ça que tu as utilisé les mêmes moyens. Exactement. Okay. C'est ça. C'est scientifique. Et voilà. Jamais donc, tu vas nous raconter tes premières Tinderiades. Oui, exactement. Ben là, en fait, ce qui s'est passé, c'est que hier, j'étais sur la route. Oui. Puis j'essayais de matcher avec des filles, puis je me disais, s'ils sont pas loin, s'ils sont dans mon range, c'est probablement parce que c'est des filles de Montréal qui s'en vont à Rouyn. Puis là, déjà, ça va être le fun, tu sais. Oui. Mais finalement, non, c'était juste des filles à Montréal. Ah. Fait qu'eux autres, on les compte pas. Non. Puis là, ben, j'ai pogné une fille à Rouyn jusqu'à date, puis j'ai pas eu de réponse. Donc, je vais pas commencer tout de suite à vous parler de... Mais je vais quand même vous lire le profil que je me suis fait sur mon Tinder à Rouyn. Alors, je suis Bruno, 34. Je suis FME, désolé d'être Montréalais. Je cherche quelqu'un avec qui partager des regrets. J'aime parler du parc, les transitions et tes parents. Et j'aime pas ceux qui parlent de hockey, la peur du renouveau et tes enfants. En anglais maintenant, parce que j'ai pas fait la même chose en français et en anglais. Donc, from Montreal in Rouyn for FME, looking for a late summer heartbreak. I think Pokemon Go is a rip-off of Tinder. Et puis je dis swipe right if you don't have carpal tunnel syndrome. So, ah, c'est fait. Sinon, tu pèses sur le petit cœur, là, fille, come on. Use-toi pas les tendons. Ah oui, puis anyway, qu'est-ce. Hein, Élise, on va se le dire, Bruno, là. Ben oui. OK. Tellement clairement. Donc, sinon, c'est tout pour aujourd'hui. Ben écoute, je me disais que peut-être que, vu que j'ai rien d'autre, je pourrais. Non, mais avant, vous pourriez moi, j'ai une choisir. Choisissez-moi quelqu'un. Ah, ben non, mais vas-y. Parce que tantôt, tu m'as dit que les gens à Rouen étaient plus sur Badou. Ah, attends un peu, j'ai quelqu'un. Attends, non, mais. Oh, live, peut-être. Si vous êtes intéressé live par Bruno, oublie pas swipe. D'après moi, elle s'est mise elle écoute l'émission en ce moment, puis elle a fait comme oh fuck, faut que je me mette sur Tinder, Bruno, c'est il est parfait, là. C'est parfait, c'est bon. Fait que donc, tu disais. Oui. Ben, j'ai entendu parler de Badou, en fait. Ouais, c'est qu'il y a des gens de Rouen qui m'ont dit « Tu devrais checker sur Badou à la place. » Puis je suis allé, puis pour vrai, je vous comprends pas le monde à Rouen. Pourquoi vous allez là? C'est vraiment pas une bonne idée. Là. OK, fait que là, on comparera pas les deux. Ça va donner une autre discussion. Tu nous dirigeais vers le guide. Oui, c'est ça. Donc là, je me disais que FME finalement, si ça fonctionne pas, ma chronique, ça pourrait être genre « Donnez-moi quelqu'un qu'il faut que j'imite, puis là, je vais lire un artiste. » OK. Puis on va faire de la promotion. Fait que c'est qui la personne que vous voulez que j'imite? Et bateau. Hakim Gagnon, non, l'autre, là. Carl Gagnon de Violette Pie, ouais. Oh boy. Ben, je me souviens pas comment il sonne, mais de toute façon, je suis pas un imitateur. Alors, on va écouter Éric Dorion, comme dit par. Carl Gagnon. Carl Gagnon de Violette Pie. Cette année, les corps présentent un programme de mettant en vedette deux grandes figures de l'art contemporain qui abordent, dans leur pratique, des recherches sur le son et la musique. La présentation d'Éric Dorion, réalisée à Alain David Platine, n'exportera pour sa part un autre genre musical, le métal. En gros, ce programme portera sur des jeux et enjeux de renvoi, de variations, des variations, variations. Bref, de la musique Carl, explorer l'infini. Merci, Carl. C'est vraiment bon. Merci beaucoup, Bruno. On va s'en reparler de tout le FME. On est là pas pour rien. On tailgate jusqu'au bout de la nuit. Je fais ça à tous les soirs, tant qu'il n'y a pas une fille avec qui je match. S'il vous plaît, on va se créer un faux profil. Guylain, il est là-dessus. Martin, je t'ai envoyé une carte parce qu'on a ici la boîte à énigmes du Père Foura de Fort Boyard. Et j'aimerais que tu nous lises l'énigme qu'on vient de trouver. L'énigme du jour. Vas-y. Avec plaisir. Oui. Ça, le titre de l'énigme, c'est « Au commencement, même accomplie dans la douleur, elle symbolise la joie et le bonheur. Elle est début et jamais fin. De chaque être vivant, elle commence le destin. Qui est-elle? » Oh, pensez à ça. On va écouter une toune d'un band qui s'appelle « Céréales Keller ». On revient avec la réponse. On est à CFME pour le FME 2016. 91,9 FM. Ah oui, Céréales. Le monde heureux, nous autres on défie. Le monde heureux, ça porte swag. Le monde heureux. Yo, fou, je compte de quoi, man. Quoi? Qui met hors de moi, damn. Quoi? Ça vous aime le temps, un smile à la face, puis je commence à le voir plein le cul. Je vois tout le temps avec ses dents blanches quand on promène son chien trop cute en rue. Mexique, elle te pète, le gros. Rien, yeah, mais à tout le temps du linge propre. Oh, parce que ça me cœur, la fille est vegan, puis son mari est docteur. Maudit que j'haïs le monde heureux, ils me font toujours de l'ombre. En plus, c'est toujours fun comme si elle aimait tout le monde. Nous autres, on se méfie. Du monde heureux, c'est pas gangsta. Le monde heureux, nous autres, on défie. Le monde heureux, ça a pas de swag. Le monde heureux. C'est quoi le trip de temps, c'est efficace. Une bonne job et du cash. Faire griller sur une terrasse à 100 000 piastres. Dans lui, y'a pas juste la joie. J'suis anti, anti-dépresseur, tu vois. Tu tripes à faire verdir ton gazon. Ta femme va peut-être vouloir asseoir mon cochon. Amuse tes enfants, pique-nique en montagne. T'es tout dans l'eau de Carmen Campagne. Nous autres on se méfie. Du monde heureux, c'est pas gangsta. Le monde heureux, nous autres on défie. Le monde heureux, ça a pas de swag. Le monde heureux, y'a du monde sont fous, ils disent que le bonheur, c'est dans les petites choses qu'on trouve la saveur. Oui, j'ai besoin de luxe, de grandeur, toujours plus de luxe, de besoin, soin dans la capoche. Poche, poche, j'ai besoin de faire la pièce, besoin du cash, d'une fucking vie en or, besoin d'argent gros, suis le flow, atteindre le top en attendant que je mène. Nous autres on se méfie, du monde heureux c'est pas un gangsta. Le monde heureux nous autres on défie. Le monde heureux ça a pas de swag. Le monde heureux, nous autres on se méfie. Du monde heureux c'est pas un gangsta. Le monde heureux nous autres on défie. Le monde heureux ça a pas de swag. Le monde heureux. Ça apprécie. Je sais pas c'est quoi qui est arrivé avec le transfert de ces affaires-là. De toute façon, on est à 70%. Très content de vous retrouver dans ce FME. Avant de passer avec notre collaborateur Jean-Patrick, pas JP Berthiaume. en fait, au commencement, même accompli dans la douleur, elle symbolise la joie et le bonheur. Elle est début et jamais fin. De chaque être vivant, elle commence le destin. Tout le monde aura compris que la réponse est évidente et c'était le bacon. Oui, oui. C'est évident. Donc, mon cher Jean-Patrick, on parle partir rhinocéros un petit peu. Ben l'année dernière, je vous ai laissé ici en disant qu'il fallait qu'on trouve quelqu'un. Puis, ben la suite, c'est qu'effectivement, là, dans les heures qui ont suivi, j'ai trouvé quelqu'un. Ceci dit, je vais le laisser parler par le biais d'une publicité qu'il a faite pour Rouyn Noranda quand il s'est présenté ici. Alors, je sais pas si c'était l'extrait. Ouais, ben, je tu peux me partir là, l'extrait, puis ouais, on va en parler après. C'est une journée incroyable, rhinocéros, rue de joie, espoir manifeste, journée de scrutin, d'une mort à l'autre, une seule solution, Pascal, le fou. Et toute poche de propagande est approuvée par les gens officiels du candidat en Abitibi-Témiscamingue du parti rhinocéros. Ça apprécie, t'as pas demandé à n'importe qui de finir ça. Non, effectivement. Donc, c'était-tu ta voix de trémolo, Pascal? Ben, on va présenter le gars en question, ben Pascal, oui. Le voici. Hey! Ça a un permis de conduire, ça. Je dois ajuster ma personnalité. Ah oui, on le reconnaît, Harper. Ben oui. La dernière fois, je parlais comme ça. J'étais venu vous donner la bonne nouvelle pour les élections. Et alors, je fus approché par Jean-Patrick. Il m'a donné la bonne nouvelle pour les rhinos. Voilà. Tout a bien été. Tu as été candidat pour la première fois. Tu t'es lancé dans le processus politique, peut-être par la porte d'en arrière, à la place de simplement aller voter et de se donner le droit de bitcher pendant 4 ans. Ben, tant qu'à s'enfarger dans la vie, tu sais, là, tu rentres la face la première dans la porte. Et voilà. Fait que c'est à peu près ça que j'ai fait. C'est comme de mettre des chimes sur le bord de tes tapis pour faire sûr que tu t'accroches dedans. Tu sais, que tu sois un petit peu plus haut. Hein, oh, non, c'était excellent. Écoute, je sortais de là avec des écharpes d'ingencives. Des écharpes. En fait. Est-ce que c'est une expérience que tu as considérée positive à court, moyen, long terme? Ben, est-ce que tu gardes des cicatrices? Ben, j'ai des séquelles. Il faut que j'avoue que j'ai des séquelles. Ouais. Depuis que j'ai fait ça, je suis obligé de parler de politique. C'est insultant. Moi, j'ai embarqué là-dedans, mon gars. Je me disais, hey, moi, être un clown, c'est chez pas nous, facile pour la famille. Ben hein? Non, tu sais, quand t'es un clown incompris, là, obligé de t'expliquer tes jokes avant que le monde les rit. Là, même tes bébés, ils attendent pour faire le tas, que la mère soit là pour les changer. Ils sont tannés de t'entendre parler de ça. Alors, ils pleurent, dirais, quand je rentre dans les parties de famille. Ah, là, c'est oh, sûr, non, c'est sûr. Puis sinon, peut-être, là, on a entendu Pascal le fou, j'ai Célina, est-ce que c'est important pour toi, le fou? C'est très important. C'est un choix de branding? C'est un choix de vie. C'est un choix de vie. Écoute, moi, à cette heure, en plus, je suis rendu le représentant directeur de la folie et du doigt accusateur au sein du parti Rhinocéros. Le doigt accusateur? Notre oui, le doigt, accusateur, c'est moi, ça. Existe? De... Oui. C'est là avec Jean-Barc, merci. C'est alors voilà. De toute beauté, voilà. On n'était pas au courant. Martin fait une face de gars qui sait pas pantoute ce qui se passe. un petit peu d'acide. En fait, je vais un petit peu te faire découvrir le grand doigt accusateur, OK? C'est qui la chienne à coke? C'est toi. C'est toi la chienne à coke. C'est toi la chienne à coke. C'est, en tout cas, je t'expliquerai ça plus longuement. Le coke, c'est bon, c'est sûr. D'ailleurs, on a établi que le Pepsi Cristal goûtait le coke chaud. Mais froid. Mais froid. Bon, c'est quelque chose qu'on a réfléchi longtemps. C'était, dans une plateforme. C'était dans le parc, on va se le dire, on va en parler là. Le parc, synonyme d'introspection, un endroit où la vie perd un petit peu ses limites pour devenir une sphère mieux éthérée. Ben. Le parc est un endroit où les pulsions, les volontés, l'individualité se perd un petit peu dans une espèce de chi. Ils se définissent. C'est très, très spirituel, vraiment, selon moi. L'agglomération, là, c'est clair. À l'intérieur du parc. Là, nous, d'ailleurs, on était dans le parc avant-hier. Au kilomètre 370, il a commencé à pleuvoir. Et je vous jure, j'ai vu quelque chose dans les cieux. Wow. C'était des nuages, il pleuvait, mais c'était beau aussi. On était dans le parc. C'était un sacré beau moment. Prochaines élections, on suit ça. On suit le train. Hey, si vous nous voyez là, sur le site là, pendant le festival, là, niaisez pas, venez nous voir. Là, on vous veut. Oui, c'est vrai. Jean-Patrick, clarifie ma pensée, s'il te plaît. Oui, ben c'est ça je voulais aussi préciser que, évidemment, on est un parti politique. On doit prouver à chaque 3 ans à Élections Canada qu'on a 250 membres. Et là, ben, on a fait une grosse course. Tommy, t'as participé, Pascal aussi. Et on a envoyé 310 noms signés. Par contre, il y en a 110 qui ont été refusés par Élections Canada, ce qui fait qu'on est dans la merde, puis on a besoin à nouveau de gens pour re-signer. Donc, c'est ça, c'est ce que vient de dire Pascal. Amour! On va être là, puis on va être dans un tailgate pas loin. Oui, oui, oui. On va peut-être même avoir un karaoké et des projections. Exactement. Dans le fond, le but, c'est juste de faire signer venez nous voir. Une feuille pour que le parti Rhinocéros reste en vie. Tout à fait. Qu'on continue à être niaiseux, mais de façon légale officielle. Et voilà, ça, c'est très important, ces deux affaires-là. Sans merci vous, beaucoup. Sans vous, c'est eux qui ont de l'air fous. ça me va. Mon cher Jean-Patrick, on va te revoir les journées qui viennent aussi. Tu vas venir nous parler du reste et d'autres choses. Oui, précisément des mots interdits au Parlement. Ah, ça, j'ai hâte d'entendre et ça. Et c'est vraiment intéressant, surtout que Christine Moore, qui a été la députée ici à nouveau, elle s'en fâche quelquefois parce qu'elle a un parler vrai, puis c'est choquant pour le Parlement de faire dire des vrais mots. Ouais, c'est inacceptable. Il faut donc, que tu passes par là, ouais, je comprends. Exactement. Merci. Merci à vous deux. On va aller écouter une chanson hautement philosophique, à mon sens. C'est un gars qui fait ça à bout de bras avec son bon chum Arnold Schwarzenegger. C'est Alex et Arnold. Mais à toutes les shows qu'ils ont cédulé, Arnold n'est jamais là. Et le gars fait des chansons surtout sur les moitiés de fruits et sur Arnold Schwarzenegger. Donc, on va écouter ici quelque chose de pur et de vrai. Bruno, est-ce qu'on a quelque chose? Love Me Tinder, envoyé par René de Montréal. Ah, bon, ça sera su. Merci. Pour l'instant, on écoute Alex et Arnold et 16 de couper la queue de tes fraises. Et mange-les toutes. Tellement de belle morale. Merci à tout le monde. On est à 70% au FME en 2016. La, la, la. Dis-moi comment faire pour devenir un homme musclé comme toi. C'est ce que j'ai dit à Arnold. C'est quoi ton secret, Arnold? Dis-moi comment faire pour secouer mes pectoraux comme toi. C'est ce que j'ai dit à Arnold. J'aimerais tant savoir, Arnold. Et Arnold a dit: cesse de couper la queue de tes fraises et mange-les. Cesse et la Californie. C'est ce que j'ai dit à Arnold. C'est ce que je voudrais savoir, Arnold. Dis-moi comment faire pour avoir tout un état pour moi. C'est ce que j'ai dit à Arnold. Les gens t'aiment tellement, Arnold. Et Arnold a dit: cesse de couper la queue de tes fraises et mange-les toutes. Cesse de couper la queue de tes fraises et mange-les toutes. Parce qu'Arnold est là avec nous dans nos cœurs. Arnold est là avec moi, avec toi. Arnold est là avec nous dans nos cœurs. Oh oui, Arnold est partout. Dis-moi comment faire pour devenir un homme enceinte. C'est ce que j'ai dit à Arnold. T'as tous les talents, Arnold. Dis-moi comment faire pour devenir une grosse fournaise enceinte. C'est ce que j'ai dit à Arnold. T'es comme un sorcier, Arnold. Et Arnold a dit: t'es un stupide garçon. Je sais pas ce que je fais dans ta foutue chanson. Cesse de couper la queue de tes fraises et mange-les toutes. Parce qu'Arnold est là avec nous dans nos cœurs. Arnold est là avec moi, avec toi. Arnold est là avec nous dans nos cœurs. Oh oui, Arnold est partout. Alors Arnold, c'est donc ça la clé du succès. Manger toute la fraise, pas seulement la bonne partie, aussi la méchante partie. Mais Arnold n'était déjà plus là, et j'étais seul dans le Canadian Tire. Et je chantais, et je chantais. Cesse de couper la queue et mange-les toutes. Une dernière fois, tout le monde ensemble. Cesse de couper la queue de tes fraises et mange-les toutes. Une dernière fois, qu'elle dit. Bravo, bravo. Impeccable, impeccable. D'un toit dans mes chantes sonnettes. Ding dong, ding dong, la clochette lui répond ding dong, ding dong, ding dong. Fin. Bien que sa vie de chasseur de criminels soit plutôt sans romance, Batman ne s'est jamais permis de penser au mariage, car il sait bien hélas que le mariage lui apportera beaucoup trop de problèmes. Mais soudain, la chose arrive, et Batman se marie. Oui, oui, Batman épouse la charmante Cathy Kane, autre chasseur de criminels déguisé, autrement dit, Batwoman. Comment la chose est-elle arrivée? Tout ça vous est révélé au cours de la surprenante nouvelle aventure de Batman. Batman épouse Batwoman. Ce soir, à la maison de Bruce Wayne, Dick Grayson regarde son gardien en train de revêtir des vêtements autres que ceux de Batman. Bruce, quelle avais-tu ce soir? Ah, tu m'as certainement vu en tenue de gala avant aujourd'hui, Dick. Ce soir, je vais en soirée. J'ai rendez-vous avec la si jolie Cathy King. Cathy? Mais tu as toujours dit qu'elle t'ennuyait en voulant toujours se mêler de nos affaires, déguisée en Batwoman. Oui, oui, c'est vrai, mais Cathy est une charmante enfant. Et on pardonne tout aux charmants enfants. J'espère qu'elle aimera ce bouquet de fleurs. Je pourrais veiller très tard, Dick. Ne m'attends pas. Après avoir vu Papier Bruce, impeccable dans son habit du soir, Dick seul dans le grand boudoir, allongé dans un grand fauteuil, devient tout à coup très songeur. Bruce sent pas mal les prix de Cathy. Diable, s'il fallait qu'il tombe en amour et veuille l'épouser. Qu'est-ce qu'il arriverait à notre association? Imaginez un peu. Bruce Wayne marié à Cathy King. Mais ça ne peut pas arriver. Et le temps passe. Puis soudain... Dick! Dick! Réveille-toi, nous avons quelque chose à te dire. Hein, quoi? Bruce? Cathy? Dick, j'ai finalement fait comprendre à Bruce comme il était seul dans la vie et il m'a proposé le mariage. Eh, puisque Cathy a dit oui, nous n'avons pas voulu perdre une minute. Nous nous sommes mariés ce soir. Nous avons voulu que tu sois la première à savoir. Vous êtes mariés? Réellement mariés? Oui, Dick. Regarde mon alliance. C'est vrai. Vous êtes mariés? Mais qu'est-ce qu'il va arriver de moi? Je veux dire de nous. Oh, Dick, à partir d'aujourd'hui, je serai comme une mère pour toi. Oh, comme tout ça est excitant. Chérie, je voudrais monter et placer mes choses. Certainement, chérie. Je te rejoins dans quelques minutes. Écoute, Dick. Bruce, comment tu peux? C'est elle qui tu es? C'est elle que tu es réellement Batman? Pas encore, non, je vais lui cacher ça pour quelque temps. Car je veux qu'elle s'habitue à l'idée qu'elle n'est que Madame Bruce Wayne, avant de lui dire qu'elle est aussi Madame Batman. On est de retour à 70%. En fait, ça, c'est un remix du premier stage de Batman, le premier jeu ONES. Ouais. C'était très difficile, ce jeu-là. Et le remix. Était très bonne. Et voilà, le remix est excellent. Vous êtes à 70%. On vient de vous taper un petit bloc. Ben, on l'a fait ensemble. On l'écoute, nous aussi, avec vous. On a eu du Jérémy Gabriel, le bourdon dit à la clochette. On a eu Batman se marie. On a eu aussi l'excellent Alex et Arnold. Et durant tout ce temps-là, nos deux collaborateurs secrets, nos deux recrues qui n'en sont plus, Élise et Guylain, étaient en train de monter en eux leur envie de dire des affaires. Et donc, je sens que le Kamehameha est prêt. Guylain explose. Ouais, c'est ça. ouais, c'est ça. Ce que je vais faire en fin de semaine, finalement, tantôt, je disais, bon, j'ai rien de prévu. En fait, ce que j'ai de prévu, c'est que je vais aller voir des shows pour vous. Des shows. Ça va faire changement qu'il n'y ait un de la gang shows, qui va voir des shows. Exactement. Je pensais aussi prendre des nouvelles, puis vous donner des nouvelles des shows également, mais vous donner des nouvelles de Dr. V. Bon, on a quelqu'un ici qui va pouvoir nous donner des nouvelles de Dr. V d'encore plus près, je crois. Oh, oui, c'est tout le temps bon signe, ça. Je pense qu'il est dans Dr. V également. Et voilà. Ouais, mais c'est faux de croire que je suis au courant nécessairement de ce qui se passe dans le crâne de Dr. V. Pas d'information devient un petit peu de l'information à ce moment-ci. Donc, tout est possible encore. Oui. OK, c'est bon. Fait que je me couperai pas les phalanges tout de suite. Je peux confirmer qu'à soir, il y a une pratique de céduler. Oh, vous l'avez entendu à 70%. Ouais, c'est ça. Ça on est très contents. Puis toi, d'ailleurs, ben Franck, on y reviendra plus tard. Guylain, est-ce qu'il y a des shows qui t'intéressent en particulier? Ouais, particulièrement, le show de Brain Puker et UK Sub. Brain Puker, je suis un grand fan, ça fait longtemps. Je trouve que la description dans le petit livre du FME laisse un petit peu à désirer sur ce que ça va être. Ça dit bord du punk mélodieux. Est-ce que je la lise avec une voix spéciale? Tu pourrais faire ça. J'ai pas pris la note de la page. Pas là. Ça pour dire, ça va être du punk, ça va être progressif. J'ai bien hâte de voir ça. Ça doit faire quoi, 15 ans qu'ils sont séparés? Quelque chose comme ça, 2001, si je me fie à l'information là-dedans. Il réémerge. Donc, il réémerge. Je crois qu'ils ont moyen émergé avant. Puis c'est ça. Je vais aller voir aussi UK Sub, un autre groupe qui a l'air de promettre. Première wave de punk des années 70, 74 aussi, si j'ai lu. Ça devrait être intéressant. Je vais vous ramener des petits reports. On a bien hâte d'entendre parler de ça. Ce qui nous amène vers Élise. Toi, Élise, tu voulais nous parler de... Moi, je voulais parler, dans le fond, de la grosse marge d'exercice de fou que tu as réussi à nous faire faire hier à toi, moi et Bruno Corbin. Oui, on est allé au parc... Le beau parc des Gabelles, c'était super le fun, mais c'était assez intense comme ride. Moi, je vois pas de quoi vous parler. Non, à peine. Dans le fond, on a fait un beau, beau gros trajet qui faisait le tour du lac La Haye. Le même lac qui porte le nom de famille de Papa Chanteur. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. C'est peut-être tout ça oui, qui est lié. C'est peut-être dans la même famille, mais le gars, Tom, tout est dans tout le temps. Hein, fait que tu le sais. Et là, on a fait un beau signe d'infini comme celui que tu as sur le bras, avec un beau YOLO dedans, vu qu'on ne vit qu'une fois. Et on a fait la traverse, l'aventurier, la guêpe, la passerelle suspendue. On a pas mal fait tout le gros tour. Une sacrée belle place. De 10 km à peu près 3h30, ce qui fait en sorte que pour les 3 prochains jours, je crois que Tommy ne voudra plus jamais faire d'exercice. Ouais. Moi, j'ai fait le serment de ne pas faire de sport aujourd'hui. Et à date, ça va très bien. Je suis assis avec un micro. Je porte des écouteurs, mais ça, c'est quand même un petit peu facile. D'ailleurs, moi, je suggère à toutes les personnes qui habitent l'Abitibi d'aller faire un tour au parc des Gabelles au moins une fois par année. Ah oui. C'est vraiment une de nos richesses naturelles qu'on a dans la région. Allez voir aussi le mont Chaudron, puis le mont Kékéko. Faut se promener, aller dans le bois. La nature, c'est sûr, hein, on est tous d'accord, c'est l'ennemi de l'humanité. On est nous contre elle. Et c'est important d'aller voir, tester ses limites pour être capable de côtoyer garde la bête, l'ennemi. Proches et tes ennemis encore plus proches, exactement. Ah, la nature est gentille, elle a réussi à nous donner plein de petits bleuets hier. C'est ça. Baisse ta garde, Élise. Les premiers sont gratuits. C'est ça. Ah, fuck, je me suis fait avoir, man. Donc, merci beaucoup à vous deux. Toi, Élise, tu vas nous parler de tes découvertes. T'es pas venu souvent en Abitibi et tout le reste. Ce qui fait que c'est que... Ouais, j'ai deux petites tunes pour vous autres. On arrive tranquillement, pas vite, vers la fin de l'émission. On va y aller avec Ziegler and Evans. C'est une tune que tout le monde en a déjà entendu, qui a vraiment comme des riffs qui restent dans la tête. Et ça parle du futur post-apocalyptique. Donc, quoi ne pas aimer? Je ne sais pas. On vous revient à 70% avec Frank Paquette du Crash War ainsi que Martin Godette des Productions Podcast. In the year 2525, if man is still alive, if woman can survive, they may find. In the year 3535, ain't gonna need to tell the truth, tell no lies. Everything you think, do, and say is in the pill you took today. Nobody's gonna look at you. In the year 55, your arms are hanging limp at your side. Your legs got nothing to do, some machine doing that for you. In the year 65, ain't gonna need no husband, won't need no wife. You pick your son, pick your daughter too, from the bottom of a long glass tube. Whoa, whoa. In the year 7510, if God's a-coming, he ought to make it by then. Maybe he'll look around himself and say, guess it's time for the judgment day. Tear it down and start again. Oh, oh. In the year 95, I'm kinda wondering if man is gonna be alive. He's taken everything this old earth can give, and he ain't put back nothing. Whoa, whoa. Now it's it's been 10,000 years, man has cried a billion tears for what he never knew. Now man's reign is through, but through eternal night, the twinkling of starlight, so very far away, maybe it's only yesterday. In the year 2525, if man is still alive, if woman can survive, they may find. In the year 3535. Tellement approprié, en fait, cet indicatif, parce que on s'en vient vraiment rejoindre la faune locale pour parler de projets 100% abitibiens. Martin Godette, Franck Paquette, salut. Salut, salut. Salut, salut. Franck, toi, on te connaît en tant qu'animateur de radio. Ouais, sauf que là, je suis là pour te parler du UR écolier. Non, mais sérieux, je la cherche depuis longtemps, cette track-là. Ah ouais, hein? Toi, ça là, fait, je pense que ça fait trois fois aujourd'hui que je te dis que la prochaine fois que tu cherches quelque chose, tu m'en parleras. Ouais, ça, mais j'ai pas eu le temps de te reparler aujourd'hui. Ça va vite. Je comprends que tu as beaucoup de besoins et moi, j'ai beaucoup de manières de combler tes besoins. D'ailleurs, avant qu'on aille un petit peu plus loin, j'aimerais que tu nous lises ton énigme de passe-partout. On t'a donné l'énigme de la petite personne. Ouais, moi, je viens d'arriver, puis c'est comme un jeu de questions, ton affaire, avec des personnages de Fort Boyard. Oui, on les adore tous. OK, moi, j'ai passe-partout, le nain qui ramasse les clips. Est-ce que c'est déjà arrivé que, tu sais, là, ils disent dépêchez-vous, là, on va lâcher les lions, les tigres, puis que là, finalement, genre, Kathleen, elle s'enfarge, puis là, la grille tombe, puis là, il relâche les tigres. Oh, mais, non, mais c'est arrivé, mais elle a comme rampé jusqu'à la bande. Il y a le pied qui a dépassé, s'est fait dévorer un peu au bout du talon, mais ils l'ont pas diffusé. Ah, ouais, ça, je jamais, là. Peut-être, mais si un jour quelqu'un l'a, ça va être toi, là. Mais pareil, c'est peut-être une légende urbaine, mais c'est dur à trouver. Fait que, vas-y, s'il te plaît. Bon, moi, j'essaie du nain, il passe partout, ça dit... Un homme se promène dans les coursives du fort et s'arrête devant la porte d'une cellule. Il ne peut y entrer bien que personne ne l'en empêche. Pourquoi? Moi, je pense que c'est parce que soit il n'y a pas de poignée de porte ou bien qu'elle est juste trop haute. Puis c'est le nain. C'est autobiographique. Donc, OK, toi, tu n'as pas la réponse là-dedans. S'il te plaît, envoie-moi ça et parle-moi un petit peu du crachoir. Ouais, le crachoir, comment on peut définir ça? C'est un show qu'on peut définir par le mot indéfinissable. Point. Non, je pense que le crachoir, c'est dans le fond, c'est du gros mouais. Là, j'ai fait beaucoup d'actualités d'affaires publiques à la radio FM, mais là, je me fais du fun avec ça, mettons. OK. C'est comme ton défoulement, là, parce que t'as... Ouais, genre opinion éditoriale sur un ton moqueur, pour pas dire baveux, pour pas dire acide ou déplacé. Ben oui, j'ai entendu dire que vous avez peut-être reçu des emails de haine, déjà. Il va là. Non, ça, là, c'est une consécration. C'est comme quand t'es un band, puis ton riff se fait plagier. C'est comme se faire plagier quand t'es un bon band. C'est parce que ton riff, il est bon, tu sais. Fait quand tu reçois des courriels de... haine, c'est parce que t'as dérangé. Puis surtout, ça s'est rendu à cette personne-là. C'est comme des rumeurs d'homosexualité pour un acteur à Hollywood. Genre. Oui, absolument. Puis en plus, le fait qu'ils prennent la peine d'envoyer de la haine, ça veut dire qu'ils se disent « OK, ça rejoint sûrement beaucoup de monde. » Ils donnent de la valeur à ce que t'as dit. Merci beaucoup pour toute cette haine, chers auditeurs. Si tu te fais pas flame mêlée, t'es pas... T'as pas d'impact. C'est ça. Un jour, nous, on n'a pas vraiment reçu à date, mais on aime tellement tout le monde. On a toujours reçu de la haine. C'est au niveau de la correction. C'est rendu à l'étape de la correction. En tout cas, on vous admet bien gros. Mais sinon, le crachoir, c'est... Parle-moi de podcast et tout. Là. Let's go, on développe. Bon, ben, on va développer. Je te dirais que je me paye la traite souvent, puis j'ai des chroniqueurs, certains occasionnels et certains plus réguliers, dont Pascal Gélina, qui est dans la salle. Ben oui. On lui a laissé un micro tantôt, ça n'arrivera plus. Là. Je sais pas comment je pourrais le décrire pour le faire chier. C'est un fantaisiste. Non, c'est quelqu'un de coloré qui arrive et il nous livre des sujets plus intemporels que ce à quoi j'ai été habitué parce que je faisais de la radio au jour le jour. Ouais. Puis à un moment donné, ça vient pesant. Là, tu pognais ça, hein, ça Eugénie Bouchard. C'est pas le fun. Là. Eugénie Bouchard, ouais, c'est ça. Là, c'est la maison de son enfance. Ils sont obligés de faire des travaux là, dans sa maison d'enfance. Là. C'est insalubre. Mais nouveau tracas. Ouais. Pour non, tout Bouchard. Son héritage de franco-ontarienne sera détruit à jamais. À des bougies en bas, il y a un billet de Régent Tremblay à page 74 qui dit « Pauvre génie, encore une brique » ou okay, un genre de truc. Vous parlez de Jeannie Bouchard. Régent Tremblay, il a écrit sur le sport, ce qui fait de lui un expert du sport. C'est un fan il se plaît à pourfendre les vomisseurs de fond de poubelle que nous sommes à l'occasion. Mais sinon, le crachoir, ça fait partie de Production Podcast, qui est une volonté abitibienne de fédérer plusieurs podcasts. C'est ton projet à toi, Martin. Ouais. Fédérer. On regarde ça, Martin, c'est bon. Ouais, ou confédérer, peut-être. Okay. Non, effectivement, c'est... le Québec fait, notre mantra, c'est de dire on veut changer le paysage du podcast au Québec. On va se le dire, au Québec, la francophonie canadienne, si tu veux, on fait partie des enfants pauvres, peut-être dans le sens que le niveau d'adulte. Tu sais, je fais s'abonner des gens à la rue à tous les jours à des podcasts. Attends, il y a une francophonie canadienne? Ben oui, Manitoba. Les 12 là, qui sont élus, représentantes anglophones. Bon. Mais non, mais tu sais, le Québec n'a pas fait encore partie des early adopters du podcast. OK. Il n'y a pas vraiment de structure au Québec. Il n'y a pas de structure, c'est mal connu. Il n'y a pas de modèle aussi, d'affaires. Mais au-delà de tout ça, à la base, c'est de regrouper des podcasts cool ensemble, puis de faire de la bonne. Tranquillement, pas vite bon aussi. Matériel, les habitudes de consommation des gens s'en vont c'est vers un peu ça. C'est un peu on a de moins en moins envie d'avoir à écouter un horaire que c'est pas nous autres qui exact. Décident. Ouais. T'écoutes ce que tu veux sur le dispositif que tu veux au moment où tu veux, où tu veux. Et voilà. Puis c'est un avantage aussi qui est particulier et qui est propre au podcast, c'est que tu peux l'écouter genre vraiment où tu veux. C'est ce qui fait que les Québécois qui sont en exil, genre. En Australie, qui travaillent là ou qui sont en vacances puis veulent écouter un petit bout du Québec, ben s'ils s'intonisent, je sais pas, une radio terrestre, je sais pas, 93.3 Québec ou ben peu importe, une radio Québec de Montréal, ben ça se peut qu'ils tombent sur Bonjour la nuit puis ça n'attend pas d'écouter cette émission-là en particulier. Ils n'ont pas le prime time, tu sais, tandis que du podcast, c'est quand tu veux. Fait que, on étrangement, on a des downloads. Ben d'ailleurs, on salue notre auditeur de Bali. Oui, Bali, merci. Il écoute Radio FME. Là, merci. On vous rappelle, oui, que vous êtes sur le 91.9 FM. CFME. Effectivement, la radio du FME. Hertienne du FME. Voilà. C'est ce qui nous permet. Ben, merci beaucoup, les gars, d'être venus nous parler de ça. Et d'ailleurs, si je peux me permettre, passe ton chemin. Un homme se promène dans les coursives du fort et s'arrête devant la porte d'une cellule. Il ne peut y entrer, bien que que personne ne l'en empêche. Ben, barré. Pourquoi? Parce que c'est un imp à pogner trop haut. En fait, je ne suis pas fier du jeu, mais la réponse qui nous est proposée, c'est qui vous a dit que la porte était ouverte? Ah, moi, je suis c'est ça, un barré. Donc, quelle déception. Bon, ouais, c'est en tout cas, passe-partout. Des énigmes pour petits. Voilà, c'est dit. Ce qui nous amène tranquillement, pas vite, à la fin de notre première émission à ce FME 2016. Restez pas trop loin parce qu'on a l'heure des drags qui prennent le relais dans à peu près 6 minutes. Ils sont, sont là avec nous autres. Ils sont ici avec nous. On leur fait salut. Allô, les drags. Ce qui fait que dans quelques instants, ça va être 70% qui se termine, mais juste avant, j'aimerais dédier la chanson qui suit à tous les amoureux. Un gros merci à Valentin qui est avec nous en studio, qui nous a aidés ce soir. Merci beaucoup à Franck Paquette, Guylain, Martin, Élise, JP, Bruno, JP. Ouais, ben je voulais dire que la chanson qui va jouer, c'est parfait pour passer dans le parc. C'est elle appartient au parc. Oui. Donc là-dessus, je vous laisse avec sa perle. Hein. J'ai des petites émotions, là, mais c'est... l'excellent Eustache Paulin et Manchot Royal. Wow. Majestueux. Quand est-ce que la planète a canté à l'Antarctique, le froid nous a surpris, on n'a pas pu s'envoler. Pour m'envoler, mais je suis pris ici pour le reste de ma vie. On est des manchots royaux, majestueux. On est des manchots royaux, vêtu d'une tunique blanc, jaune et noir, il est si beau à regarder, il est le plus beau spécimen. La maman prend des marches autour de son village, cherchant un bon mari pour prendre garde de son petit. On est des manchots royaux, cristaux de neige, c'est le papa qui couvre l'œuvre, c'est le papa qui accouche. L'Antarctique, c'est un nid d'amour à eux seuls, leur chanson, c'est le grand vent qui siffle du nord. On est des de température. Il y a-t-il de la vie sous le lac Bostock? C'est un secret qui est bien gardé par les pingouins.